SHUX. SHUX. SHUX. SHUX. Empêche-moi de péra. Enfin essaye mec, carpe me terrasse. Teste avec des bonnes phases. J'ai celle qui nique ta race. T'as les mains moites, on dirait que tu péflis. Perds pas le micro, je te laisserai des miettes de flow. T'erres pas, si tu veux, serre-toi. Ouais, comme ça je t'achèverai sur le sol. Petite merde, tu finiras seul sûr. Tu peux me balancer quelques vannes. Moi je fais dans l'autodérision. Alors mes pètes de son font déjà crier tous tes fans. J'ai déjà baisé toutes tes femmes, ex. Avec ou sans latex. L'humour à la bigarre contre celui à latex. Lève-toi plutôt que d'hab si tu veux me vexer. Tu peux m'appeler Tchex, MC à la rime réflexe, même Alexé. Ouvre bien ta gueule, protège tes dents, mon son tempête douce. Ou la mâchoire directe, on dirait que la mort te guette, cous. On dirait que la mort te guette, cous. SHUX. Tu veux des phases mortelles, des soirées comme avec le quartel. Du skycock dans une taille d'eau et des go en porte-jartel. Tu veux du rap qui sonne fat et claque, des grosses caisses qui craquent, mec à l'ancienne et des kids crades. Et ouais, tu veux du hip-hop, du HH old school. La vibe et du feu qui coule, t'inquiète, j'entends les hauts secours. Tu veux kiffer, tu peux, en l'occurrence c'est SXM, si en place bien avant la concurrence. Je viens pas de la street, je viens de chez moi là où les sons sortent en masse. Où je passe mon temps à faire péter les basses dehors. J'aime recaler les tasses, taper des bar, rentrer tard ou aller là où la folie débarque. Tu veux que ça pense, je veux que ça dance. Que mon son soit sur les ondes et fasse le tour de France comme Lens. Vite putain j'ai pas le temps, si le mauvais t'approche décale le temps. Et fais tourner mes tracks si t'es part. Donc tu veux de la technique, tu veux du flow mec, je t'en apporte. T'as sonné à la bonne porte, le reste peu importe. Tu veux de la bête de son, t'auras un chat qui bat les tigres, un mec qui s'en bat de l'éthique, une souris qui fout la honte au ras. Tu cries sur l'instru, sache que c'est de la prod à SK. Et peut-être un jour tu te diras que tu pèses pas. J'suis là pour combler les blancs. Ouais les parents on s'en branle. Viens tester, fais pas semblant. J'te promets ça sera sanglant. Quand j'écris c'est toujours sanglant. Même si j'vois les choses en grand. Check l'attitude et vas-y bouge ton cul si t'es un gland. Là pour tout niquer c'est ça le plan. Seul compte ton putain de clan. Facile avec des lyrics car en vérité j'ai pas le temps. Viens sucer à val tant que j'aurai du jus dans la mine. Pendant que t'es là, viens que j'examine ton manque de talent. Viens que j'examine ton manque de talent. SHUX.